Divers pays et régions ont rapporté du 3 au 5 juin les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un. L'UPI américaine, l'agence de presse Gyodo du Japon, l'homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des inspections, les homepages d'Internet de l'association d'amitié Pectusan Tché-Corée, du Comité national nigérien d'études du kimilsunisme Kim Jong-lisme, du Comité national d'études des idées du Juche du Congo démocratique et du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigérien, ont fait part que le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté l'usine de l'eau minérale de Kangso. L'homepage d'Internet allemand a ajouté sa direction du tir expérimental de la fusée balistique au système de pilotage et de guidage de précision. Les homepages d'Internet ont présenté les photos du dirigeant suprême coréen.